é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo a aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo, e um puto que diz que não, se a porrada vier, não deixo. Um berlinde abafado na escola, um peão na algibeira sem cor, e um puto que pede esmola, porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo a aprenderem a ser homens. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo a aprenderem a ser homens. Recordação para o Carlos do Carmo com os putos. Também vou ficar neste quadrado na Luca Eno há pouco. E até ao Jornal de Desporto do Meio de Meia. Em simultâneo com a Antena 1 temos o ZUHF com Bora Lá. Bem dia 27. Vida fugia, chegava a horas certas, tudo o que havia era uma longa espera. Quando olho para trás e revejo o caminho, vejo um puto audaz a seguir o instinto. Hey, hey, hey, hey, how, how, how, how. Bora lá, bora lá, bora lá. Foi à flor da pele que o sonho cresceu, um grito rebelde, eras tu e era eu. O som vinha de fora, a palavra cá dentro. Chegar a hora de marcar o meu tempo. Hey, hey, hey, hey, how, how, how, how. Bora lá, bora lá. Vermelho do Sul, arco-en-ciel. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, voilà, donc eh bien, nous sommes déjà le vendredi, voici donc le retour pour l'émission du vendredi après-midi. Et puis aussi, nous sommes aussi avec, bien tout simplement, le dernier vendredi du mois, et oui, nous sommes déjà à la fin du mois de septembre, et ouais, donc ça passe aussi très vite les jours. Voilà, donc on a pu débuter avec un morceau country, et puis au cours de l'émission, on va écouter d'autres morceaux, tout simplement. Et puis, ben, je vais vous laisser tout simplement avec les chansons françaises. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. De la reine et fait vibrer la foule barbare inhumaine. Ce sang rouge qui jaillit comme l'eau des fontaines du taureau accroupi sous l'acier madrilène. Et puis le sang versé hier à Tiananmen qui a éclaboussé aux mémoires de la mienne. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Entre ce sang qui coule sur le flanc des baleines, harponné dans la houle, décimé par centaines. Celui des loups, des ours, dans les steppes lointaines, abattus dans leur course pour une vie sans chaîne. Et le sang qui rougit, la peau de porcelaine de ces enfants d'Asie, birmane, tibétaine. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Les enfants sauvages ont le plus bel âge que la vie vous donne. Ils quittent l'enfance sans lui faire offense, l'abandonnent. Leur jeunesse folle frétille et s'envole au bord des chemins. Leurs pieds dans la terre ne se soucient guère de leur lendemain. Quand l'été s'avance, leur corps en partant se pousse au jardin. La peau de leur torse se fond aux écorces, vole leur parfum. Les robes fougères s'affolent légères et cachent à peine. Les fruits qui se pointent et changent de teinte au gré du soleil. La vie est curieuse là-bas dans la Creuse, ils ont fait leur trou. Chantant aux abois tout au fond des bois comme font les loups. Hurlez beaux enfants, hurlez à la lune vos espoirs fous. La Creuse s'endort verte et silencieuse, elle rêve de vous. Autour d'un grand feu, les enfants sauvages se parlent tout bas. Peut-être d'amour, d'histoire, de cœur, mais peut-être pas. Leur secret s'étiole dans la fumée folle qui rejoint les cieux. Et c'est aux étoiles que dans la nuit pâle, ils font leurs aveux. Maison sommeille, berçant dans ses draps les deux petits vieux, les aïeux sauvages qui habitent là. Qu'il est long l'hiver dans cette tanière, vivement l'été. Dors bien ma vieille, les enfants sauvages ne vont pas tarder. Qu'il est long l'hiver dans cette tanière, vivement. Ma vieille, nos enfants sauvages viendront nous border. Et puis donc, je vous laisse avec une chanson en duo, et puis juste après, toujours les chansons françaises. Arc-en-ciel. Voici donc Laurent Voulzy, et puis juste après lui, ce sera tout simplement Michel Polnareff. J'en passe, j'en passe, j'en passe.

quien se va a alegrar. La gente siempre es igual. Y cuando algo está bien, ellos lo llevan mal. No sé qué decir como final. Nada me suena muy original. Solo repetir, aunque no esté bien. Stem. Voici donc que du hard rock et puis juste après deux morceaux rock. We can't get a drink or two. pionnier. C'est le rock à Charlie avec son Harley. Les vieilles légendes sont tatouées de Saint-Tropez. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Voici donc deux titres électro et puis juste après Deep Hop. Thank you. Je l'ai bien souvent écouté. n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours. Arc-en-ciel. Voilà, toujours avec le pop et puis juste après le jazz. Avec mon petit casou, j'ai pas besoin de pneu ni de pipo en bambou, car dès que je joue, j'ai toujours un succès fou. Si vous jouez du casou, jouez avec nous, on fera les 400 coups, tout la la hi, avec nos petits gazous. En avant, qu'importe l'instrument, accorde bien avant, car l'important c'est que ça fasse du boucan. Symphonie, c'est fané, c'est fini, ce qu'il faut les amis, c'est faire du bruit. Étrangère dans ta vie. toi, mon pour toi. Au cas où, juste au cas où, trônez-moi pour décoller ton histoire, pour brûler tes territoires. Au cas où, juste au cas où tu traînerais, l'envie de te laisser glisser. Bon pour toi, bon pour toi. Ah, au cas où, juste au cas où tu douterais, même de tout ce qui t'aimera. Song that we love to sing. Every time we hear the music, and we're in this love together, we got the kind that lasts forever. We're in this love together, and like berries on the vine. Voici donc les chansons portugaises. Sozinha, estar até às tantas para te ver chegar, para te ver chegar fora da linha. Comboio cansado a descarrilar. Já vês beber, tipo 3D, deitar, dormir, descansar. Mudou o online, descansa bem. Logo à noite a coisa vai mudar. comigo, cá em casa que eu não fico. Dime. Vou curtir a noite na gandaia. Dançar como louca para ver a cara das outras. Yeah. Quando levantares a minha saia. Saia. Baila, baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila, baila. Vamos fazer com que a casa caia. Caia. Amigo. besos me tira, pero que en mi vida no sé lo que quiere. Yo lo amaba y guardaba sobre mí, pesa que un fin nunca pasa con ser. Yo lo amaba, pensaba y era seguro, y se decidió de mundo, pero no lo sé. De verdad no había amor y la verdad, y el dolor es soledad, yo me vine a casar. De verdad no había descubrir un solo pez en matar, pero sé que no lo es. Des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voilà, je vous laisse avec le country, le retour. We'll be right back.

Le détaché de toi, qui n'a pas su me comprendre quand tu étais près de moi. Mais pendant que tourbillonne le moindre de mes regrets, toutes les feuilles frissonnent et s'envolent à jamais. Je la dois. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, il s'appelle Georges Moustaki. Et puis juste après lui, le Zouk. Elle s'offre, elle ne pleure pas, elle souffre, elle ne fait pas l'amour, elle aime. Love. parle, puis les chiens, moi, si j'ai pas réfléchi. Oh là, la vie calée, oh là, et quand même, et mieux. Et vous regardez en tout genre, faut qu'on fait un petit bilan. Vous savez ça, vous t'y pas ça, vous savez tout faire. Le passé toujours, qu'à venir joindre. Pour un lot de café, qu'à les verrons. Les mauvais yeux, où t'es que vous les trouvez? Trouvez un petit homme qui peut baron. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Yeah. Du rock and roll. Voici donc eh bien, les émissions pour ce soir ainsi que pour le week-end, samedi et dimanche. Voilà donc, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission de Manuel avec l'émission Découverte. Et puis demain, on sera déjà samedi à partir de 9h jusqu'à midi. Vous allez retrouver Christine entre donc 9h midi avec Portugal nous Corésien. Et puis dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 18h avec Will André. Et puis après, entre 18h jusqu'à 20h avec Carla. Et puis pour le dimanche matin, à partir de 8h jusqu'à 10h avec Antonio, avec Quentin Dougalo. Et puis après, c'est à vous de faire l'émission, de choisir la chanson que vous voulez entendre avec le téléphone sonne entre 10h jusqu'à 12h30.

chez moi embellie. Tu laisseras guider ton cœur vers les petits sentiers fleuris. Et puis tu verras dans le ciel une étoile qui brille dans ma vie. Elle a un pouvoir éternel, il s'agit de l'étoile du Berry. Et si tu restes quelques jours, tu verras tout l'amour que j'ai pour cette étoile qui s'affiche au loin. Et dès que viendra le printemps, mon cœur à ce moment chantera ce refrain. Des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici tout simplement le reggae. Oh, rouge et colère. I shoot twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. I swear I know you did. Now you take a ride. she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm on to you. Du côté du Eurodance.

veux toi, tu le veux sous le même toit, tu la veux sous le même toit. En amour suffit pas d'y croire, tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes, tu l'aimes. Même si le temps qui passe nous rapproche ou nous sépare, bien sûr on pourrait croire que tout s'efface de nos mémoires. Même si le temps qui passe nous fait mal, nous fait souffrir, on garde en nous la trace des plus beaux souvenirs de toute une vie que j'ai passée à t'aimer, pour toute une vie sans jamais rien regretter, ou seulement d'avoir douté un seul instant, ni de voir. temps qui passe nous déçoit, nous donne espoir. On sait qu'au fond de soi, rien ne remplace un au revoir. Même si le temps qui passe ne nous rend pas éternel, il laisse quand même une place aux rencontres les plus belles de toute une vie que j'ai passée à un seul instant, ni de voir à tes côtés passer le temps. C'est encore plus fort de jour en jour. C'est à la vie, à l'amour. C'est encore plus fort de jour en jour. Parce que c'est à la vie, à l'amour. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Si j'ai croisé les doutes sur la route de mon destin, je sais que mon trésor, je le tiens au cœur de tes mains. Je voyage dans les vibrations de l'amour, la musique s'écrit. Et ton sourire au large éveille chacune de mes nuits. Je voyage, je voyage. Je voyage comme une découverte de la vie. Je goûte l'étendue qui se regarde dans tes yeux, comme l'écume de mes rimes au plus profond des cieux. Je voyage. Qu'importe où je me trouve, une étoile brille dans l'âme de nos pensées qui dansent au rythme des jours qui s'enflamment. Je voyage. Je voyage. Je voyage au mois d'août ces belles couleurs haut de gamme. La source qui jaillit, ardente et ressource d'espoir. Bras dessus, bras dessous, je rêve que tombe le soir. Je voyage. Romantique rencontre et généreuse attention. L'aurore est une rose, elle fleurit sur l'horizon. Je voyage, je voyage. Je vois l'âge surgir et s'élancer comme le lion. C'est une symphonie orchestrée par nos sentiments. Faut toujours être deux et sur le balancier du temps tenir un équilibre et fleurir les parfums du beau, du bonheur de se voir, du bonheur d'enlacer les mots. Je voyage, je voyage. Je vois l'âge renaître et c'est le vertige, le grand saut. Si j'ai croisé les doutes sur la route de mon destin, je sais que mon trésor, je le tiens au cœur de tes mains. Je voyage. Les vibrations de l'amour, la musique s'écrit. Et ton sourire au large éveille chacune de mes nuits. Je voyage, je voyage. Je vois l'âge comme une découverte de la vie. Je voyage, je voyage. Voici donc, je vous laisse avec du synth-pop et puis juste après, du pop. C'était trop beau. vie s'arrêter là. Les amants de drôles d'idées, faire la guerre n'est pas mon métier. De sommeil d'un motel de Rouen. Pourquoi donc je fais ça? J'aurais pu chanter quand même. Jeudi on gig en Gaspésie, 2000 km de nuit à faire, dans le même vieux pick-up à longueur de semaine. Ça me rappelle aussi tous les couchers de soleil. Post Trois accords qui sonnent, on finit ce jack, on pack, puis on décolle. Ça me rappelle aussi tous les couchers de soleil. Oh, sans heure de whisky, sans heure de scène, la foule qui crie en cœur m'évanouirait. Un solo de guitare, vos voix en harmonie. Je me pose plus de questions. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici du disco et puis juste après le country.

no dado nos leva longe. Aviso tu. É por isso que estamos bem. Aviso tu. Nossa humildade nos leva longe. Aviso tu. É por isso que estamos bem. Dizem que não estás feliz. Cometeste um erro de com ele se casar, na esperança de arranjar um lar e um pai. Compreenda, mãe, perdi esta chance quando meu próprio pai me rejeitou. Tu ainda serei doutor.